Dominique, scène de la vie bourgeoise, par Jules Moineau. C'était un domestique nègre qui avait longtemps servi comme matelot. Un usage prolongé des salaisons lui avait donné le scorbut, d'où la perte de toutes ses dents. De sorte que lorsqu'il riait, on avait l'illusion d'un pantalon noir qui se déchire aux genoux. L'effet comique était irrésistible pour la galerie, mais jetait une espèce de ridicule sur les maîtres de Dominique. Il savait que son infirmité le dépréciait, et il ne demandait que des gages modestes. Pour cette raison, M. et Mme Lahuche l'avaient pris à leur service, et après tout, ils avaient un nègre, ce qui flattait leur vanité d'anciens marchands de pâtes alimentaires, retirés dans un asile champêtre, loin des tempêtes du monde et du vermicelle. Ils y étaient installés depuis 3 mois, n'entendant, excepté le dimanche où des amis venaient les voir, d'autres voix étrangères que celles d'un perroquet, celle pleine d'amertume d'une cuisinière aigrie par l'éloignement de toute garnison, et celle de Dominique qu'ils avaient pris pour tout faire et qu'il ne faisait rien sans casser quelque chose. Ces accidents réitérés l'avaient fait prendre en grippe par Madame Lahuche, et sans sa couleur, elle l'aurait mis à la porte. Elle feignait de le conserver par condescendance pour Monsieur Lahuche, qui tenait beaucoup à lui. « Je sais bien pourquoi tu gardes cet imbécile, » lui disait-elle un jour. « Je le garde parce qu'il est sobre, doux, facile à vivre, il mange de tout. »« Oui, et puis il te flagorne. » « Comment il me flagorne ? » ?»« Ne te répète-t-il pas sans cesse ? En tout, je prends modèle sur monsieur. » « Eh bien, c'est flatteur pour moi, mais il n'y a pas là de flagornerie. Il me semble que comme homme, oh, tu es irréprochable. Comme électeur, oh, tu votes bien. Comme mari, oh, tu votes mal. » « Je vote mal. Je vote au bout de 25 ans de ménage. Je dis ça, » ajouta Madame Lahuche en ricanant amèrement, sans compléter sa phrase. Elle disait ça parce que c'était un dimanche, que les Crousillons, leurs successeurs, devaient venir dîner s'il faisait beau, qu'elle avait acheté des provisions en conséquence et que le temps s'était gâté à midi. « Ça ne sera rien, » dit M. Lahuche, « ce n'est qu'un nuage qui passe. » « On en a vu qui passait pendant 6 semaines, » observa ironiquement Madame. Le chat qui ronronnait sur les genoux de sa maîtresse choisit tout juste cet à-propos pour se débarbouiller et passer sa patte par-dessus son oreille. « Allons bon, » dit sa maîtresse en l'envoyant rouler à terre. À ce moment, un bruit de verre cassé se fit entendre par la porte restée ouverte. « Bien, encore un coup à Dominique, » s'écria Madame Lahuche. Elle se levait pour savoir ce qu'il avait brisé, lorsque le nègre entra en marchant sur les genoux, à la poursuite d'une grenouille qui, d'une chambre voisine, s'était élancée dans la salle à manger où se trouvaient les deux époux. « Monsieur, madame, » dit-il, « c'est en tapant sur le bocal pour faire monter la grenouille afin que le temps se mette au beau. « Imbécile !» cria Madame Lahuche. « Madame, » répondit Dominique, « j'ai vu monsieur faire ça, et prenant tout modèle sur monsieur, » il s'excusait ainsi sans interrompre sa chasse. « Mais rattrape-la donc !» fit avec colère la femme nerveuse à son mari. Et celui-ci se mit, comme Dominique, à poursuivre à genoux le batracien effarouché. « Vous n'en viendrez pas à bout sans moi, » dit Madame Lahuche, qui à son tour s'agenouilla, et tous trois se mirent à poursuivre la grenouille. Il n'avait pas remarqué le chat qui suivait, de ses yeux écarquillés, les sauts de la petite bête et s'avançait doucement, à plat ventre, en tortillant le derrière, signe précurseur de l'élan des chats sur une proie vivante. Cernée de 3 côtés, la grenouille exécuta un habile mouvement tournant, fit un bond vers la voie libre et fut attrapée au vol par le matou qui se sauva à toutes pattes en emportant le baromètre aquatique. « Saleté de bête !» cria M. Lahuche furieux. « Ma petite rainette à laquelle je tenais tant !»« C'est bien fait pour toi, » riposta madame. « Il te faut des chats. »« À moi ?» s'exclama le mari stupéfait. « Elle est forte. C'est toi qui as demandé aux Crousillons un des petits de leur chatte, pour te faire plaisir. À moi ? Est-ce que je t'ai jamais dit un mot ?» Madame Lahuche suivit son idée sans répondre, comme toute vraie femme qui ne veut pas avoir tort. « Ah, ils pouvaient bien nous donner un chat, » dit-elle. « Ils nous doivent 80 000 francs. Dont nous ne verrons jamais la queue. Qu'est-ce que tu nous chantes ? D'abord, ils en ont payé 20 000, reste à 60 000. Ils ont hérité de 150 000 francs, tu le sais bien. » Comme si le brave homme n'avait rien dit, madame continua. « Céder une maison comme la nôtre à des gens sans le sou. » Elle tira fiévreusement le cordon de la sonnette. Monsieur Lahuche cria. « Tu n'entends donc pas ce que je te dis ?» Il recommença en pure perte. « Bon, fit-il, alors va, ne réponds pas, comme ça tu auras toujours raison. »« Que veux-tu que je te réponde ?» Et elle sonna avec colère. « Si tu n'as rien à répondre, pourquoi continues-tu à débiner les crousillons ?»« Ah, tu m'ennuies !» Puis, voyant entrer Dominique, « Mais tais-toi donc, ajouta-t-elle, ne me fais pas de scène devant les domestiques. Moi, à l'air elle !» dit la huche près d'éclater. Et pour se calmer, il alla tambouriner sur les vitres. « Je vous ai sonné au moins 12 fois, » dit la dame irritée au nègre stupéfait. La huche poussa cette exclamation « Oh, 12 fois !» et madame de répondre avec vivacité « C'est cela, donne-moi des démentis devant les domestiques. »« C'est à se rouler, » ajouta le mari, et le nègre, habitué à copier monsieur, de répéter « 12 fois, c'est à se rouler. » « Vous voyez ?» s'écria l'épouse furieuse. « Il me raille. Ce n'est pas assez qu'il vienne empester le salon de l'odeur de tabac. »« Je ferai remarquer à madame que je ne fume jamais, » répondit Dominique. Elle continua. « Avec vos horreurs de pipe. » « Mais puisqu'il te dit, » risqua la huche, madame lui coupa la parole. « Ouvrez la fenêtre pour laisser partir cette odeur, au lieu de me faire votre tambour qui m'agace. » La huche ouvrit la fenêtre, prit le journal Le Soleil et se mit à lire. Dominique reprit. En tout, je prends modèle sur monsieur. Monsieur ne fume pas, je ne fume pas. Monsieur lit Le Soleil, je lis Le Soleil. Monsieur, ce mot exaspéra madame Lahuche. Allez-vous-en ! Cria-t-elle. Le soleil, c'est bien le moment d'en parler, du soleil. Lahuche éclata de rire. Ah oui, parlons-en, dit-il. Et Dominique, de rire à son tour. Le mot est drôle, dit-il, mais je le connaissais. Sortez ! Cria madame Lahuche avec emportement, et Dominique sortit. La sortie du nègre fut suivie d'un assez long silence. Lahuche continuait à lire son journal. Madame, plongée dans un fauteuil, ses jambes allongées et ses pieds croisés, les frottait l'un contre l'autre en mordillant ses ongles, trahissant ainsi l'agitation qui l'obsédait. Enfin elle se leva, fit quelques pas, sans but aucun, et ses regards étant tombés par hasard sur un petit capucin baromètre, elle s'arrêta devant cet objet. Le bon moine était abrité dans sa maison. Elle frappa de son doigt sur le refuge. Le saint homme ne bougea pas. La huche rompit enfin le silence en demandant ce qu'il y avait pour dîner. « Ah, tu ne mourras pas de faim !» répondit madame, sans cesser de taquiner le bon ermite. « Tu comprends qu'ayant compté sur les croisillons, qu'ils ne viendront pas. Enfin, qu'avons-nous à manger ?» Oh, fricassé, rôti, poisson, légumes, et comme soupe, un potage à la tortue. Ah, bravo. Oui, bravo, parce que tu l'aimes. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, pour qu'en as-tu fait faire? Pour toi. Eh bien, c'est pour moi, et ça te contrarie que je dise bravo. Non, mais si c'était quelque chose que j'aime et que tu n'aimes pas, tu ne dirais pas bravo, et je n'aime pas la tortue. Alors il ne fallait pas en acheter. Charmant, voilà ma récompense, c'est bien fait pour moi. « Allons, tu es mal disposé. »« Naturellement, tu me dis des choses désagréables. Moi ?»« Je suis mieux disposé que ton imbécile de bonhomme. »« Quel bonhomme ? Ton capucin. Il ne veut pas sortir de sa niche. »« Eh bien, expulse-le par la force. Tu as la loi Ferry. »« Que c'est donc spirituel ?» répondit ironiquement madame. Puis avec colère. « Eh bien, qu'est-ce que ton nègre attend pour mettre le couvert ? Il n'est que 5 heures. »« 6 heures !» Madame sonna. « 5 !» riposta la huche, et lui mettant sa montre devant les yeux. « Tu vois ? Elle est détraquée, ta montre !» À ce moment, la pendule sonna 5 heures. « Tu entends ? » dit le mari. « 5 !»« Oh, je n'ai pas compté. Naturellement, tu aurais eu tort. » Dominique entra, et sur l'ordre de madame, dressa le couvert. Le nègre sortit pour aller chercher le potage. « Et il passe toujours, ce nuage !» dit madame Lahuche d'un air narquois. Le médecin que j'ai rencontré ce matin ne s'est pas trompé, répondit le mari. Vous voyez bien ce nuage, m'a-t-il dit. Ah, il s'est occupé du nuage, le médecin. Tout s'explique. Il l'a fait crever. Lahuche rit du mot, et l'incident fut suivi d'un nouveau silence, bientôt rompu par cette exclamation de madame. Mais mon Dieu, ce potage est bien longtemps à venir. Dame, observa silencieusement la huche, un potage à la tortue. Voilà, Je le fais faire pour monsieur, et il ne cesse de me berner avec cela. Ah, tu commences à m'agacer. » La patience de la huche était à bout. « Tu m'agaces bien davantage, toi, avec ta belle humeur, » dit-il en élevant la voix. « Je peux bien être de bonne humeur, » riposta madame, « depuis une heure que tu me cherches querelle. Moi, c'est moi qui... » À ce moment, le chat, qui avait mangé la grenouille comme un simple fourrier, rentrait et allait se frotter aux jambes de son maître. « Ah, tu arrives bien !» s'écria celui-ci, et lui lança un coup de pied. « C'est ça, » fit madame, « passe ta colère sur ce pauvre animal, parce que tu n'oses pas la passer sur moi. » Monsieur trépigna. Madame continua. « Est-ce que tu crois que depuis une heure je ne sens pas tes coups d'épingle ?»« Ah, c'est moi qui... » La huche se crispait les poings. « Encore toi ?» fit-il au chat, de nouveau dans ses jambes. « Attends !» Sur ce, il le saisit par la peau du cou et le jette par la fenêtre. « Brute, sauvage !» cria madame, exaspérée. « À mon tour !» Et elle lança une assiette dehors. « Ça m'est égal !» hurla la huche. « Tiens !» Et il lança l'autre assiette, laquelle fut suivie d'une bouteille lancée par madame. Et la carafe, les verres, les couteaux, les couverts suivirent le même chemin. Et Dominique, entrant la soupière aux mains, regarda cette scène avec stupéfaction, puis lança la soupière par la fenêtre. « Êtes-vous fou ? » cria madame le huche, et Dominique répondit tranquillement. « En tout, je prends modèle sur monsieur. » Morale. Il ne fallut qu'une poire tombée sur la tête de Newton pour lui révéler les lois de la pesanteur. Il ne faut qu'une pluie qui tombe sur le tête-à-tête des époux les plus unis pour leur révéler le poids de l'isolement. C'était Dominique, scène de la vie bourgeoise, par Jules Moineau.